For life de la cave, mon life des catacombes. J'suis toujours à la recherche de ma blanche colombe. Je sors de la lumière et pénètre dans l'ombre. Plus affectueux qu'une mycose sous un ongle. Quoi, tu m'attendais, je viens pour te liquider. Voilà des rimes bien chômées. Non, non, j'ai pas chômé. J'serai toi, j'commencerai à m'aduler. Non, non, ça vient juste de commencer. Cherche pas à me divorcer, mon rap, une bombe à désamorcer. Les politiciens détestent les blocs et les banlieues. Ils insultent les noirs, les jaunes et les rebeux. Ils les traitent de négro et de bougnoule. Si je te jure, demande de refrain. Aïe, musulman de tabac, dealer d'empané. Marre du trou, sort du trou, you can't panic. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces putains de flics? Ils arrêtent mon strap alors qu'ils portent pas de shit. Dans un état critique, dans un coma éthylique. Moi et toute ma clique, on est tous mythiques. On est tous mythiques. On pique pour la zik. On enrage sur les flics. On est tous mythiques. Le savoir est une arme et les guns ça s'enraye. Ils veulent vivre avec nous mais ils nous craignent. Qu'est-ce qu'ils attendent encore de nous? Puisqu'à blanc ils nous saignent. Je grappe les échelons, bientôt prêt pour le règne. Les skins j'assassine, fais pas ta mine. Mes skins la pire ferme, c'est la Chine. Adrénaline, maître de la rime, meilleure usine que le syndicat du crime. MGC, this is my dream. J'appose mes messages par la peur. Celui-ci s'adresse à tous les rappeurs. Dans sa corde, vous me demanderez où sont vos sœurs. Je serai tout en haut avec mon poteau. Les rappeurs sans cœur. Écoute ce cri, cet appel à la guerre. J'appelle tout 5-9, j'appelle tous mes frères. Engagez-vous à souffrir, engagez-vous à écrire. Le succès en pleine ligne de mire. Quel tir. Dans un état critique, dans un coma idyllique. Moi et toute ma clique, on est tous mythiques. On est tous mythiques. On vit pour la zik. On enrage sur les flics. On est tous mythiques. On est tous mythiques. Dans un état critique, ça commence éthylique. Moi et toute ma clique. On est tous mythiques. On est tous mythiques. On vit pour la zik. On enrage sur les flics. On est tous mythiques.